j'ai fini. Je sais, mais je t'en prie, écoute-moi quand même. Écoute-moi, car je t'aime. Depuis qu'on s'est quitté, je suis seul, étonné. Mes jours sont tellement longs et vides et obsédants. Je suis seul. La nuit vient et je me souviens d'un an d'amour. Les matins indolents, soir de pluie, les vacances et le vent, et ton corps blond de soleil et de sable, un an d'amour, c'est irréparable, un an d'amour, c'est irréparable. Non, ce n'est plus moi, un autre est avec toi, et toi tu lui souris, comme tu m'avais souri. Et ce sourire, tu vois, je te hais pour cela, je te hais, mais je t'aime, au fond, ça revient tout de même. Ai-je vraiment perdu un an d'amour, des années de regrets, des feuilles mortes et le temps passé? L'automne emporte les rêves et les fables. Un an d'amour, c'est irréparable. L'automne emporte les rêves et les fables. Un an d'amour, c'est irréparable.